إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، continue تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، toujours dans le tafsir de sourate Qaf que l'on avait commencé la semaine dernière, et on s'était arrêté à l'explication du 11e verset. أليس كذلك؟ طيب. ثم قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. Donc Allah عز وجل dit dans les versets 12 à 15 de sourate Qaf: avant eux, le peuple de Nouh, les gens de Ras et les Thamoud crièrent au mensonge, de même que les Ad, Pharaon et les frères de Lout, les gens de Laïka et le peuple de Toubba, tous traitèrent les messagers de menteurs. C'est ainsi que ma menace se justifia. Quoi ? Avons-nous été fatigués par la première création, mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرام وأنبياءهم العظام، كنوح كذبه قومه، وثمود كذبوا صالحا، وعاد كذبوا هودا، وإخوان لوط كذبوا لوطا، وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا، وقوم تبع، وتبع كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام. فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم، ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول، وأي تبع من التبابعة، لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى مجرياتهم على العرب، خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم، فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم، ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم، فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدل تعالى بالخلق الأول وهو المنشأ الأول على الخلق الآخر وهو المنشأ الآخرة وهو النشأة الآخرة، فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيروراتهم إلى الرفاث والرمم. فقال: أفعينا، أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول؟ ليس الأمر كذلك، فلم نعجز ونعي عن ذلك، وليسوا في شك من ذلك، وإنما هم في لبس من خلق جديد، هذا الذي شكوا فيه والتبس عليه أمره، مع أنه لا محل للبس فيه، لأن الإعادة أهون من الابتداء، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Donc ici, Cheikh Saadi rahimahullah explique ces versets 12 à 15 de sourate Qaf. Il dit, c'est-à-dire que ceux qui ont précédé les polythéistes de la Mecque et ceux qui ont traité de menteurs le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les peuples avant eux ont également traité de menteurs les prophètes et les envoyés immenses qui leur avaient été envoyés. Comme Nuh alayhi salam, son peuple l'a traité de menteur. Thamoud également ont traité de menteur le prophète qui leur a été envoyé, qui était Salih. Ad également ont traité de menteur Houd alayhi salam. Le peuple de Lot ont traité de menteur Lot alayhi salam. Ashabul Aikah, qui sont le peuple de Shu'aib, qui ont traité de menteur Shu'aib alayhi salam. Et Qawm Tubba', le peuple de Tubba'. Et ici, Cheikh Sa'di dit, rahimahullah, que Tubba', ce sont tous les rois qui ont régné dans le Yémen, qui ont régné le Yémen dans l'époque avant l'islam. Dans l'époque avant l'islam. Comme Kisra et Qaisar. Comme Al-Fara'ina, les pharaons, ce sont tous ceux qui ont gouverné l'Égypte. D'accord ? Il y a eu plusieurs pharaons. Il y en a un qui est connu plus que les autres, mais les pharaons, ce sont tous ceux qui ont régné en Égypte. Et ainsi de suite. Et Tubba', ce sont tous les rois qui ont régné dans le Yémen avant l'islam. Donc, le peuple de Tubba' ont traité de menteur le prophète qu'Allah Azzawajal leur avait envoyé. Et Allah Azzawajal, dans ce verset de Sourat Qaf, ne nous cite pas quel est ce prophète qui a été traité de menteur. Et Allah Azzawajal ne nous indique pas non plus lequel des rois qui a régné le Yémen est concerné par cela. Car, Cheikh Sa'di dit, car, et Allah Azzawajal est le plus savant, car ceci était connu chez les Arabes. Car ceci était connu chez les Arabes de la Mecque et ils connaissaient parfaitement ce qui a eu lieu dans les siècles qui les ont précédés. Et au Yémen, ce sont des Arabes. Donc les Arabes connaissent les histoires des Arabes. Tous ces peuples ont traité de menteurs les prophètes qu'Allah Azzawajal leur a envoyés. Et de ce fait, ils ont mérité la promesse d'Allah Azzawajal qui est d'exterminer ceux qui traitent de menteurs les prophètes qu'Allah Azzawajal envoie à ses peuples et ils méritent aussi le châtiment d'Allah Azzawajal. Et Cheikh Sa'di dit que Allah Azzawajal cite aux polythéistes le sort des peuples auparavant qui ont comme eux traité de menteurs le prophète qu'Allah Azzawajal leur a envoyé. Ici, Allah Azzawajal leur dit dans le sens que vous qui traitez de menteurs Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, vous n'êtes pas meilleurs que les autres peuples qui ont vécu avant vous. Et les prophètes qui ont été traités de menteurs auparavant n'ont pas plus d'estime auprès d'Allah Azzawajal que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes et le sceau des prophètes alayhi salatu wa sallam. Donc le fait que Quraysh n'est pas meilleur que les peuples qui les ont précédés, et le fait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il traite de menteur, est meilleur que les prophètes qui l'ont précédé, eh bien cela doit les amener à plus réfléchir et à prendre plus garde que le châtiment d'Allah Azzawajal s'abatte sur eux. Puis Allah Azzawajal cite pour preuve la première création pour prouver la dernière création. Allah Azzawajal prend pour preuve la première création pour prouver la résurrection et la vie de l'au-delà. C'est-à-dire que de la même façon qu'Allah Azzawajal a créés du néant, eh bien, de la même façon, Allah Azzawajal les fera ressusciter. Eux qui deviendront ossements et poussières, Allah Azzawajal les fera ressusciter et les jugera. Afa'ayna bil khalq al-awwal. Avons-nous été fatigués par la première création? Ici, c'est une interrogation qu'Allah Azzawajal pose, et bien sûr, la réponse est que non, Allah Azzawajal n'a aucunement été touché par une quelconque fatigue lorsqu'il a créé la première création du néant. Allah Azzawajal n'a éprouvé aucune fatigue, aucune lassitude, subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, les polythéistes ne doutent pas de cela. Ils ne doutent pas que Allah Azzawajal a créé la première création de façon simple et aisée. Mais en réalité, ils sont dans la confusion au sujet d'une seconde création et d'une création nouvelle. C'est-à-dire qu'ils doutent et ils sont confus sur cette résurrection qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire les concernant. Alors qu'en réalité, il n'y a pas lieu de douter sur la résurrection et sur le fait qu'Allah azawajal va faire revivre les morts après qu'ils aient été poussières et ossements. Car le fait de faire revenir une création est plus facile que de la créer une première fois. Pour cela qu'Allah azawajal a dit « Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi » Dans le verset 27 de Sourate Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens « Et c'est lui qui commence la création, puis la refait, et cela lui est plus facile. » ثم قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Puis Allah عز وجل dit, selon le sens, dans les versets 16 à 18 de sourate Qaf, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Rappelle, quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. قال الشيخ سعد رحمه الله يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم وأنه يعلم أحواله وما يسره ويوسوس في صدره وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان وهو العرق المكتنف لثغرة النحر وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله فيستحي منه أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال فيجلهم ويوقرهم ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين ولهذا قال إذ يتلقى المتلقيان أي يتلقيان عن العبد أعماله كلها واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات وكل منهما قعيد بذلك متهيئ لعمله الذي أعد له ملازم له ما يلفظ من قول خير أو شر إلا لديه رقيب عتيد مراقب له حاضر لحاله كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, en expliquant ces versets 16 à 18 de sourate Qaf, qu'Allah Azzawajal nous informe qu'il est le seul à avoir créé l'être humain, les hommes comme les femmes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement leur situation. Il connaît subhanahu wa ta'ala ce qu'ils cachent, et il sait également ce que renferme leur poitrine. Et Allah Azzawajal est plus proche d'eux que leur veine jugulaire. la veine jugulaire qui est ce qu'il y a de plus proche de l'être humain, qui est cette veine immense et l'une des plus grandes veines, si ce n'est la plus grande veine du corps. Et ceci doit amener l'être humain à prendre conscience de la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit prendre conscience qu'Allah azza wa jal le surveille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement ce que la personne cache et ce qu'elle montre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de l'être humain, quelle que soit sa situation. Ainsi, cet être humain se doit de faire preuve de pudeur à l'égard de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il doit avoir honte d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le voit là où Allah lui a interdit d'aller. Et il doit avoir honte d'Allah azza wa jal, et il doit avoir honte qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le voit pas là où Allah lui a ordonné d'être. Et de même que l'être humain se doit d'avoir à l'esprit la présence de ces nobles anges, ceux qui écrivent tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Il se doit de respecter ces anges et de leur donner de la valeur. Et il doit prendre garde à ne pas faire ou à ne pas dire ce qui pourrait être inscrit contre lui, des choses qui ne satisfont pas Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Pour cela qu'Allah azza wa jal dit « إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ » quand les deux recueillants, c'est-à-dire quand les deux recueillants recueillent et inscrivent tout ce que fait le serviteur. L'un est placé à droite et inscrit les bonnes actions, et l'autre est placé à gauche et inscrit les mauvaises actions, et tous deux sont assis. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accomplir la tâche qui est la leur et à l'accomplir de façon parfaite et à l'accomplir la durée et de façon continuelle. Car la fonction de ces anges est uniquement d'inscrire ce que le serviteur fait ou dit comme chose bonne ou mauvaise. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ. Il ne prononce pas une parole, c'est-à-dire ce serviteur. Il ne prononce pas une parole, que ce soit une parole bonne ou une parole mauvaise, sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. C'est-à-dire un observateur qui le regarde, qui le surveille, qui est présent, quelle que soit la situation et l'endroit dans lequel il se trouve, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans les versets 10 à 12 de Surat Al-Infitar, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. يَعْلَمُونَ مَا تَفَعَلُونَ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله عز وجل dit son le sens dans les versets 19 à 22. Sourate Qaf, l'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. Alors chacun viendra, accompagné d'un conducteur et d'un témoin. On dira, c'est-à-dire aux mécréants, tu restais indifférent à cela, c'est-à-dire à la mort. Eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. قال رحمه الله أي وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص ذلك ما كنت منه تحيد أي تتأخر وتنكص عنه، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب، وجاءت كل نفس معها سائق يسوقها إلى موقف القيامة، فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها، وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل، فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون، ولهذا قال: لقد كنت في غفلة من هذا، أي يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام توبيخا ولوما وتعنيفا، أي لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له، فالآن فكشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك، فكثر نومك واستمر إعراضك، فبصرك اليوم حديد ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه، ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت، وهذا كله تخويف من الله للعباد وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. في الجر رحمه الله تعالى en expliquant ces versets 19 à 22 وجاءت سكرة الموت vient, c'est-à-dire que la mort vient vers cet insouciant qui a traité de mensonge les signes d'Allah. Vient à lui l'agonie de la mort avec la vérité. Cette agonie de la mort qu'il ne peut repousser et à laquelle il ne peut trouver aucun échappatoire. ذلك ما كنت منه تحيد. Voilà ce dont tu t'écartais. C'est-à-dire, voilà ce dont tu t'éloignais. Et voilà la chose devant laquelle tu battais en retraite. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Et l'on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace. C'est-à-dire, voilà le jour dans lequel les injustes subiront ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a promis comme châtiment. Et voilà les croyants qui obtiendront ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a promis comme récompense. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٍ. Alors, chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur. Un conducteur qui la conduira, qui conduira cette âme vers la place du jugement, et cette âme ne pourra en aucun cas être retardée ou s'éloigner de ce rendez-vous. Wa shahid, chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin, un témoin qui témoignera contre cette personne, qui témoignera des actions de cette personne, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et cela prouve l'importance qu'Allah Azza wa Jal donne aux serviteurs. Et cela prouve qu'Allah Azza wa Jal enregistre et qu'Allah Azza wa Jal fait en sorte que les actes des serviteurs soient enregistrés et préservés. Et que par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala les rétribuera en toute justice. Et ceci, le fait que la mort surprenne et que chaque âme sera conduite le jour du jugement, sur la place du jugement, et qu'elle sera accompagnée d'un témoin qui témoignera sur tout ce que cette personne a accompli comme œuvre, ceci doit amener le serviteur à méditer et à se remettre en question, mais malheureusement, la plupart des gens sont insouciants. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit: « لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا. » tu restais indifférent à cela. C'est-à-dire qu'il sera dit à celui qui s'est détourné de la vérité, à celui qui a traité de mensonge le jour du jugement, il lui sera dit cette parole. لقد كنت في غفلة من هذا. Tu restais indifférent à cela. Cette parole lui sera dite en guise de reproche, en guise de réprimande. C'est-à-dire, tu traitais de mensonge ce jour du jugement et tu délaissais les actions que tu devais faire pour préparer ce jour. Alors maintenant, فَكَشَفْنَا عَنْكَ رِطَاءَكَ. Eh bien maintenant, nous ôtons ton voile, ce voile qui a recouvert ton cœur, ce voile qui a fait en sorte que tu étais dans un sommeil profond et que ton refus persistait. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ta vue est perçante aujourd'hui. Ta vue est perçante aujourd'hui, c'est-à-dire que tu verras ce qui te troublera, que tu verras ce qui t'effraiera comme différentes sortes de châtiments et de supplices. Ceci est la première explication de ce verset. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. À savoir que cela sera dit le jour du jugement à celui qui a traité de mensonge le jour de la rétribution. Et l'autre sens de ce verset est qu'Allah Azzawajal s'adresse aux serviteurs. Et que les serviteurs sont dans cette vie d'ici-bas dans une insouciance. Ils sont insouciants vis-à-vis de ce pourquoi ils ont été créés. Et que ce ne sera que le jour du jugement où ils se rendront compte. Et ce sera le jour du jugement où ils sortiront de leur sommeil et de leur somnolence, mais malheureusement, ils se réveilleront le jour où il ne servira à rien de se réveiller, le jour où ce qui est passé ne pourra pas être rattrapé. Et tout ceci est une menace d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Allah azza wa jalla par cela fait peur à ses serviteurs et effraie par cela ceux qui traitent de mensonge le jour du jugement. ثم قال تعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Il dit عز وجل dans les versets 23-29. Selon le sens, et son compagnon dira « Voilà ce qui est avec moi, tout près. Vous deux, jetez dans l'enfer tous mes créants endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs. Celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. » Son camarade, c'est-à-dire le diable, dira « Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. » Mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Allah Azza wa Jal dira « Ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. » Qala Sheikh Sa'di rahimahullah. Yaqulu ta'ala wa qala qarinuhu ay qarinu hadha al-mukathib al-mu'rid min al-malaikati alladhina wakkalahum Allahu. من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول: هذا ما لدي عتيد، أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله، فيجازى بعمله. ويقال لمن استحق النار: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصي، المتجرئ على المحارم والمآثم. مناع للخير، أي يمنع الخير الذي عنده، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. مناع لنفع ماله وبدنه. معتد على عباد الله وعلى حدوده. مريب، أي شاك في وعد الله ووعيده، فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح، واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. ولهذا قال: الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه غيره، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فألقياه أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. قال قرينه الشيطان متبرئا منه حاملا عليه إثمه: ربنا ما أطغيته، لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، ولكن كان في الضلال البعيد، فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الآية. قال تعالى مجيبا لاختصامهم: لا تختصموا لدي، أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها. ما يبدل القول لدي، أي لا يمكن أن يخلف ما قاله الله أخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق حديثا. وما أنا بظلام للعبيد، بل أجزيهم بما عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. إنجيل رحمه الله. En expliquant ces versets 23 à 29 de sourate Qaf, Allah Azza wa Jal dit: وَقَالَ قَرِينُهُ، et son compagnon dira, c'est-à-dire le compagnon de celui qui a traité de mensonge le jour du jugement et celui qui s'est détourné de la vérité. Son compagnon parmi les anges, qu'Allah Azza wa Jal a chargé d'inscrire, de le préserver et d'inscrire ses actes. Allah Azza wa Jal fera donc venir ce compagnon le jour du jugement, qui apportera tout ce qu'il a inscrit de cette personne et dira: هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، voilà ce qui est avec moi tout prêt, c'est-à-dire que j'ai préparé ce qui m'a été demandé de préparer en enregistrant et en inscrivant tous les actes de cette personne afin que cette personne soit rétribuée selon ses actions. Et il sera dit à celui qui méritera l'enfer: Alqiya fi jahannam kull kaffarin 'anid, vous deux, jetez dans l'enfer tous mécréants, endurcis et rebelles. Et ici, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Alqiya, c'est un ordre qui veut dire Alqiya, qui veut dire jeter. Cet ordre est adressé au singulier ou au duel. Au duel, Al-Qiya. C'est pour ça que ça a été traduit, vous deux. Vous deux, jetez dans l'enfer. Et ici, Les moufassirines ont divergé sur Al-Qiya, vous deux. Al-Qiya fi Jahannam. Qui est voulu ou à qui Allah Azzawajal s'adresse? Certains savants ont dit Al-Qiya, que c'est une des langues, une des formes de la langue arabe, d'ordonner au duel en voulant dire une personne. En voulant dire une personne. Al-Qiya, yani Al-Qi. Et que c'est une loura, les barres de l'arabe, comme l'a dit Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, que c'est une langue parmi les langues des Arabes, car il y a différents dialectes ou différentes formes de langue arabe. Et parmi ces formes, il y a le fait que lorsqu'on l'ordonne à une personne, l'ordre est sous forme de duel, comme si on ordonnait à deux personnes, alors que l'ordre est dirigé vers une seule et même personne. Ceci est une explication. D'autres savants ont dit que ce qui à qui cet ordre est adressé, c'est As-sa'iq wa shahid. Car Allah Azza wa Jalla a dit avant, wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Que chaque âme vient, accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Et que Allah Azza wa Jalla dira à ce compagnon, à ce témoin et à ce conducteur de jeter celui qui mérite d'être en enfer, en enfer. Et d'autres ont dit que ce sont les deux compagnons, les deux anges qui sont à droite et à gauche de chaque être humain. Vous deux jetez donc en enfer tous mes créants endurcis et rebelles. C'est-à-dire qui a commis beaucoup de mécréances et qui a contredit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a énormément désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et accomplissait sans scrupule les interdits d'Allah azza wa jal. Manna'i lil khayr, acharné à empêcher le bien, c'est-à-dire qu'il empêche tout le bien qu'il y a en lui. Il empêche tout le bien, c'est-à-dire qu'il ne donne pas à ceux aux ayants droit leur droit. Que ce soit le pauvre, il ne leur donne pas la zakat, que ce soit ses proches parents ou ceux de sa famille, il ne leur donne pas le droit du lien de parenté. Il prive le bien qu'il y a en lui, à savoir le bien dans ses biens à lui, dans son argent, et le bien dans son corps également. Transgresseur, mu'tadin, c'est-à-dire qu'il est transgresseur à l'égard des serviteurs d'Allah et qu'il est transgresseur à l'égard des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mourib, douteur, c'est-à-dire qu'il doute sur la promesse et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas de foi, il n'a pas de bienfaisance, au contraire, il est caractérisé par la mécréance, par le doute, par l'avarice et également par le fait qu'ils prennent d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit «Alladhi ja'ala ma'allahi ilahan akhar», qui prenait avec Allah d'autres divinités. C'est-à-dire qu'il adorait avec Allah autre que lui Azza wa Jal. Il adorait en dehors d'Allah ce qu'il ne pouvait, c'est-à-dire il adorait en dehors d'Allah des divinités qui ne pouvaient pour elles-mêmes ni bien ni mal, des divinités qui ne pouvaient ni donner la mort, ni donner la vie, ni ressusciter. Fa'alqiyah, jetez-le, ô vous, les deux anges proches, fil azab shadid, dans le châtiment dur. Puis Allah Azza wa Jalla dit, qala qarinuhu, son camarade dit, et ici, Ce qui est voulu par le camarade, c'est Ash-Shaytan. Le diable qui se désavouera de lui et qui lui fera prendre ses responsabilités en disant « Rabbana ma atraito »« Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser. » Car je n'avais pas de pouvoir sur lui, mais il était déjà dans un égarement lointain. C'est lui qui s'est égaré et c'est lui de son propre chef qui s'est éloigné de la vérité, comme l'a dit Allah Azzawajal dans l'autre verset de Surat Ibrahim, le verset 22, où Allah Azzawajal dit selon le sens, et quand tout sera accompli. Shaytan dira, quand tout sera accompli, c'est-à-dire quand le jugement sera terminé et quand les gens du paradis entreront au paradis et quand les gens de l'enfer entreront en enfer. Le diable dira, et quand tout sera accompli, Shaytan dira, certes Allah, vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'ayez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Ceci sera le discours que le diable fera lorsque le jugement sera terminé, un discours qui ne fera qu'augmenter la peine, le remords et la détresse de ceux qui brûleront en enfer, wal'iyadu billah. Puis Allah Azzawajal dira en réponse à cette dispute qu'il y aura entre le diable et celui qui l'a suivi. Allah Azzawajal leur dira « La tahtasimu ladayi » « Ne vous disputez pas devant moi » C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bénéfice à ce que vous vous disputiez auprès de moi, alors que je vous ai déjà fait part de ma menace. C'est-à-dire que mes prophètes sont venus à vous avec des signes évidents, des preuves éclatantes. Et la preuve a donc été, ma preuve a donc été établie contre vous. Et vous n'avez aucune excuse. Vous avez Vous êtes venu à moi avec des actions par lesquelles je vous rétribuerai. Chez moi, la parole ne change pas. Chez moi, la parole ne change pas. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal ne peut revenir sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a informé, car il n'y a pas plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Je n'opprime nullement les serviteurs. Au contraire, je les rétribue selon ce qu'ils font comme bien et mal. Je n'augmente pas leurs mauvaises actions, de même que je ne diminue pas leurs bonnes actions. ثُمَا قَالَ تَعَالَى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Allah Azzawajal dit dans les versets 30 à 35, selon le sens, le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli ? Il dira, y en a-t-il encore ? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. On leur dira, voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux, qui redoute le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui, avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, Voilà le jour de l'éternité. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى مخوفا لعباده يوم نقول لجهنم هل امتلأت وذلك من كثرة ما ألقي فيها وتقول هل من مزيد أي لا تزال تطلب الزيادة من المجرمين العاصين غضبا لربها وغيظا على الكافرين وقد وعدها الله ملأها كما قال تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة المنزهة عن التشبيه فينزوي بعضها على بعض وتقول قطن قطن قد اكتفيت وامتلأت وأزلفت الجنة أي قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من النعيم المقيم والحبرة والسرور وإنما أزلفت وقربت لأجل المتقين لربهم التاركين للشرك صغيره وكبيره الممتثلين لأوامر ربهم المنقادين له ويقال لهم على وجه التهنئة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ أي هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين هي التي وعد الله كل أواب أي رجاع إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه والاستعانة به ودعائه وخوفه ورجائه حفيظ أي يحافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على أكمل الوجوه حفيظ لحدوده من خشي الرحمن أي خافه على وجه المعرفة بربه والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي مغيبه عن أعين الناس وهذه هي الخشية الحقيقية وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة فلا تدل على الخشية وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب كالمراد بالإيمان بالغيب وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضروريا لا اختياريا حيث يعين العذاب وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر وهذا هو الظاهر وجاء بقلب منيب أي وصفه الإنابة إلى مولاه وانجذاب ذواعيه إلى مراضيه ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار ادخلوها بسلام أي دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات والشرور مأمونا فيه جميع مكاره الأمور فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات لهم ما يشاءون فيها أي كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو حاصل فيها ولهم فوق ذلك مزيد أي ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بسماع كلامه والتنعم بقربه نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. Il dit, rahimahullah, en expliquant les versets 30 à 35, qu'Allah Azzawajal dit, pour faire peur à ses serviteurs, le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli ? Ceci de par l'énorme quantité de choses qui seront versées, jetées en enfer. Wa taqulu hal min mazid. Et l'enfer dira, y en a-t-il encore ? C'est-à-dire que l'enfer ne cessera de demander toujours un surplus de criminels et de désobéissants à Allah Azzawajal. Ceci en guise de colère pour son Seigneur. Et l'enfer dira également ces paroles de par la rage que l'enfer a à l'égard des mécréants. Et Allah Azzawajal a promis à l'enfer de le remplir. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud, le verset 119, très certainement, je remplirai l'enfer des djinns et hommes tous ensemble, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala place son pied subhanahu wa ta'ala en enfer. Et lorsqu'Allah azza wa jal placera son pied, un pied qui ne ressemble aucunement au pied de ses créatures subhanahu wa ta'ala, car rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala placera son pied dans l'enfer, l'enfer se repliera sur lui-même et dira « Cela suffit, cela suffit ». Puis Allah Azza wa Jalla dit « Wa uzlifatil jannah » et le paradis sera rapproché, c'est-à-dire que le paradis sera rapproché de telle sorte que l'on voit, que l'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur comme délice, comme joie et gaieté. Et ce paradis sera rapproché de ceux qui sont pieux envers leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ceux qui délaissent le polythéisme, la petite forme ou la grande forme de polythéisme, ceux qui obéissent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et se soumettent à lui azza wa jal. Il leur sera dit à ces pieux en guise de bienvenue, et voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux. C'est-à-dire, voici le paradis, et voici ce qu'elle contient comme chose désirée par chaque âme, des choses qui réjouissent les yeux. C'est ce qu'Allah Azzawajal a promis à tout repentant, c'est-à-dire à toute personne qui revient à Allah Azzawajal à chaque instant, par son évocation, par son amour qu'il a envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il revient vers son Seigneur en demandant sans cesse l'aide d'Allah azza wa jal, en invoquant Allah, en le redoutant et en espérant de lui. Hafiz, respectueux, c'est-à-dire que le paradis a également été promis à toute personne repentante et respectueuse, c'est-à-dire respectueuse des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, en accomplissant les ordres d'Allah de façon sincère et de façon parfaite. Une personne qui est respectueuse à l'égard des limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracées. Man khashiya ar-Rahman, qui redoute le tout miséricordieux. C'est-à-dire qui a peur d'Allah Azza wa Jal tout en connaissant Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus l'on connaît Allah et plus l'on a peur, et plus on a peur de lui. C'est donc une personne qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de par la connaissance qu'il a de son Seigneur. Une personne qui espère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette peur et cette crainte que cette personne à qui Allah azza wa jal a promis le paradis a de son Seigneur est une crainte qu'il a, quelles que soient ses situations, qu'il soit aux yeux des gens comme il soit à l'abri des regards. Et c'est cette crainte que cette personne a d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il est à l'abri du regard des gens qui est la crainte véritable. Quant à la crainte qui a lieu uniquement lorsque les gens le regardent ou lorsqu'il est en présence de personnes, eh bien cette crainte peut être en réalité une ostentation. Une ostentation qui ne prouve en aucun cas une crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, la crainte bénéfique, c'est la crainte d'Allah azza wa jal, que ce soit en secret comme en public. Et ici, Cheikh Saadi rahimahullah dit qu'il est possible également que le sens de ce verset, de ceux qui craignent le tout miséricordieux, bien qu'il ne le voie pas, c'est-à-dire ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de l'invisible. Et ici, Cheikh Saadi rahimahullah compare la crainte d'Allah azza wa jal en l'invisible à la foi en l'invisible. Et il dit, rahimahullah ta'ala, que la foi, elle est de deux sortes. Il y a la foi choisie, et il y a la foi imposée. La foi choisie, c'est celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il n'a pas vu l'au-delà. Est-ce que l'on a vu le paradis ? Est-ce que l'on a vu l'enfer ? Est-ce que l'on croit en Allah Azza wa Jal ? Oui, c'est donc un choix de notre part. Car lorsque l'on verra le paradis et l'enfer, la foi sera imposée. Tu n'auras d'autre choix que de croire en Allah Azza wa Jal. Et quelle est la meilleure des fois ? Est-ce celle qui est choisie ou celle qui est imposée ? Celle qui est choisie. De la même façon, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. La première explication du verset est celui qui craint Allah azza wa jal, qu'il soit en public ou en privé. Qu'il soit aux yeux des gens ou à l'abri des regards, sa crainte d'Allah azza wa jal est la même. Et l'autre explication est ceux qui craignent Allah azza wa jal de par ce qu'ils savent de l'invisible. C'est donc une crainte choisie. C'est donc une crainte choisie car la personne craint Allah Azza wa Jal et redoute son serviteur, son Seigneur subhanahu wa ta'ala de par les informations qui lui sont parvenues concernant l'invisible. Alors cette personne craint Allah Azza wa Jal alors qu'elle n'a pas vu le paradis, ni l'enfer. Et Cheikh Saadi dit « وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرِ » et c'est ce qui apparaît de ce verset comme sens. « وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ » Donc ici, Allah Azza wa Jal donne toujours les descriptions de ces personnes à qui Allah Azza wa Jal a promis le paradis. Donc des personnes qui viennent repentantes vers Allah Azza wa Jal, des personnes qui sont respectueuses à l'égard des ordres d'Allah et des limites qu'Allah Azza wa Jal a tracées, des personnes qui redoutent le miséricordieux subhanahu wa ta'ala alors qu'ils ne le voient pas, et Allah Azza wa Jal dit ensuite « وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ » et qui vient vers lui, vers Allah Azza wa Jal, avec un cœur porté à l'obéissance. Un cœur porté à l'obéissance. Et il sera dit à ces pieux ou de Khuluha bisalam. Il leur sera dit entrez-y en toute sécurité. Entrez-y, c'est-à-dire au paradis, en toute sécurité. C'est-à-dire une entrée qui est accompagnée de sécurité. Celui qui entrera au paradis sera préservé de tout mal et il sera à l'abri de toute mauvaise chose. Et il ne sera troublé, ses délices ne seront troublés par aucune chose déplaisante. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا. Il y aura pour eux tout ce qu'ils voudront, c'est-à-dire tout ce qu'ils souhaiteront, quel que soit leur désir, eh bien, ils l'obtiendront. وَلَهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ مَزِيدٍ. Et ils auront au-dessus de cela bien d'autres choses supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils auront une récompense particulière qu'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, leur octroiera. Il leur donnera, Azza wa Jal, ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce que nul cœur humain n'a ressenti, et la chose la plus immense, la plus méritoire, la plus grandiose que Allah Azza wa Jalla leur offrira est le fait de voir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et de savourer l'écoute des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de jouir de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse que l'on fasse partie de ces personnes. Pour le tafsir, inshallah ta'ala, on le terminera la semaine prochaine. Wallahu a'lam.